Miroir. J'aime quand nous sommes ensemble à la recherche du plaisir, que ta bouche rougit et tremble au feu de mon désir, et, mieux encore, quand nous prenons place en face d'un miroir ivre de glace, où admirer nos corps à corps. Notre plaisir alors est double de voir nos corps encore, nos sens si troubles d'un commun accord. Je jouis, tu jouis, nous jouissons à l'unisson. Je crie, tu cries, nous crions au diapason. Surpuissance reproductrice de mon pénis dans ta matrice, enveloppe chaude et charnelle qui se développe à tire-d'aile. Surimpression de ma peau sur la tienne, multiplication de nos réseaux à perdre haleine. Tu es mon autre, je suis ton autre, nous ne formons plus qu'un dans cette union sans fin.